C'est un peu aussi son surnom au milieu de certaines, certaines soirées, on l'appelle Histoire Courte. Oh, voici voilà. Guillaume Guiz. Hey. Allez Guy, te laisse pas démoraliser. Ça va les amigos? Oui, oui, oui, tellement. DJ lui un article sur madamefigaro.fr, ça s'intitulait « Êtes-vous sûr de vous laver correctement sous la douche ?» Alors je ne vais pas parler de ça ce matin, mais je vous filerai quand même le lien, Daniel. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Vous êtes à un clic d'un, vous êtes à un clic d'un game changer. Là. Ils disent dans l'article, si c'est froid au début, vous attendez un peu, c'est tout. Ce n'est pas une raison pour se décourager et remettre ses habits. Hein. T'avais dit que t'arrêtais avec les vannes gratuites. J'ai changé d'avis. Vous êtes personne pour me dire comment je dois mener la barque de mon humour. Non, ce matin, je vais vous parler de Cristiano Ronaldo, qui est devenu le premier homme à atteindre les 300 millions d'abonnés sur Instagram. Et en général, j'aime pas parler en public de notre petite guéguerre à Cristiano et moi. Alors ce sera toi le premier à 300 millions. Non, ce sera toi, non, ce sera... Non. C'est vrai, c'est lui qui parle toujours de rivalité. Moi, je préfère dire qu'on se booste. Tu vois, vraiment, 300 millions, j'y suis pas, 300 millions, mais je poste un selfie loin. De moi en noir et blanc et je le dépasse, c'est réglé, tu vois. Un coup, c'est lui, un coup, c'est moi. C'est ce qu'on appelle les mulsards, comme on dit chez lui. À Lisbonne, on dit comme ça. Et le coup de la conférence de presse à l'Euro quand il a retiré les bouteilles de coca. Les deux bouteilles de coca. Ça vient de qui, à votre avis, à la base? C'est toi? Ah ben ouais, il a vu une chronique où, avant de commencer, j'avais fait « Mon nom, je la veux dans un gobelet, putain !» J'avais acheté la cristalline sur un technicien, ça, qui s'était plaint d'ailleurs. Alors qu'avec les progrès de la médecine, on se remet vite d'une électrocution. C'est une question de volonté, que des assistés chez Inter. Ben l'action cristalline, elle a fait moins 60%. On m'a reproché l'impact sur l'emploi, alors que pour moi, c'était un très beau plan social. Cristiano, il m'a vu ça, il m'a fait Ernesto, fils d'un lobe et d'une passe en cloche. Je viens de voir ta vidéo, je suis vraiment embêté. Je le coupe. Je dis Cristian, fais-toi plaisir. Reprends le concept. Ouais, moi je l'appelle Cristian. C'est lui qui demande ça. Il est francophile. Son chanteur préféré, c'est Hugo Frey. Ah bah, au début, ça étonne. Son shih-tzu, il s'appelle Santiano. Il a un tatouage, si Dieu le veut, toujours droit devant. Moi, je dis, ça se voit mal avec les poils longs, mais c'est vrai que quand tu caresses, ça donne un plus, tu vois. Non, mais bref, je lui dis, Cristian, vas-y, vole mon idée si tu veux. Moi, tout ce que je te demande, c'est quoi? 3-4 buts contre la France mercredi soir. Une paille. Il l'a fait en conférence de presse, il a remplacé les bouteilles de coca par une bouteille d'eau en disant que l'eau c'était meilleur pour la santé. C'est vrai. By the way, allez, sans blague. Cristian, il a un petit côté curton quand même. Des fois, l'eau c'est meilleur que le coca, je l'aime beaucoup, mais sur les nouvelles théories de la vie, c'est pas exactement Pierre Bourdieu non plus, tu vois. En attendant, dans la foulée, l'action coca, elle a chuté, la marque a perdu 4 milliards. C'est authentique, il paraît que le directeur marketing de coca, il a vu ça, il s'est immolé par le mentos. Il a bu un litre de coca, il a mangé 6 mentos, on a retrouvé son estomac dans un bosquet 11 km plus loin. Vraiment. Et le lendemain, Paul Pogba, il a fait la même chose. Avec une Heineken, vous avez vu ça? Ouais. Il a fait la même, vous avez vu? Mais l'action Heineken, elle a pris 1%. J'ai envie de dire, Paul, laisse faire les grandes personnes. Vraiment, tu vois. C'est vrai, si tu veux vraiment avoir de l'influence, juste appelle-moi, quoi. Vraiment, là, je viens de sortir une story Insta sur le réchauffement climatique où je dis, ça suffit. Mais dans une police léchée, bah, je crois que c'est bon, là. La fonte des glaces, c'est du passé. De rien. Vraiment. C'est fou, n'empêche, Ronaldo, 300 millions d'abonnés. Le seul compte qui fait plus à 380 millions, c'est le compte Instagram d'Instagram. Mais il y a quand même bien moyen qu'ils chipotent les chiffres, non? Qui va aller vérifier, quoi. C'est vrai, franchement. C'est vrai. Ça se trouve, ils ont 7000 abonnés comme Nagui et ils trafiquent, quoi. Ronaldo, il gagne 50 millions par an en postant des trucs sur Insta. Nagui, quand il poste sur Insta, à savoir en général entre 100 et 120 photos d'échauffement de l'équipe de France. T'exagères. Bah, il gagne un paquet de Monster Munch. Et voilà, bim, ma punchline, c'est une marque de chips. J'espère que vous avez acheté des actions Monster Munch avant l'émission. Moi, je l'ai fait. C'est la dernière fois que vous me voyez. Demain, je suis riche à millions, je rachète Inter et je garde que Morgane. L'émission s'appellera On vous aime pas. Chaque jour, l'invité se fera lapider par des enfants à coups de cristalline. Et ça, c'est mon idée. Allez, bonne émission, les gars. Merci, Guillermo.